Higo c'est mort, tu veux boire dans le cocktail. Fumer sur terre, gros ton shit donne des maux de tête. J'suis avec Ruki, Guapo, Go Juice. Pour la popance, non pas le juice, et ils forcent tous. Fouji, Fouji, Fouji. Qu'est-ce que tu piges dans nos rimes, demande à Billy. Mets du Gucci, mets du Gucci, quand t'as vendu Molly. Mande à boucher, j'vais la mettre en cette maintenant, va kiffer les blagues. Terra Mars, t'es moche comme une blague. Bad, mal, j'appuie sur la 8, j'appuie sur la 8, j'appuie sur la 8, j'appuie sur la 8, j'appuie sur la 8, apparaît un Ruki. J'ride Bishop Flan, factus dans la poche. Hey, j'tape dans la pioche. Mets du Gucci, mets du Gucci, baisse ta money. Bah les coups du moyen de refaut ta money. Higo c'est mort, tu veux boire dans le cocktail. Fumer sur terre, gros ton shit donne des maux de tête. J'suis avec Ruki, Guapo, Go Juice. Pour la popance, non pas le juice, et ils forcent tous. Il est où mon cœur? Il est où mon putain de cape négro? J'veux voir des fleurs. Même avec ça dans mon corps, gars, j'te trouve toujours flair. Mec, arrête, ça me gonfle fort, des attitudes de guerre. Gros, tu veux la guerre? Parce qu'on peut la faire. J'butine comme ma bête, peut-être que ta meuf, j'suis dans sa chenèque. Mon table de tes chèques, j'veux que ride avec les mecs. Dans mon gage des écras, le live n'est pas des j'bêtes. Je t'y lance son calque dans le dernier palace avec mon Louis B. Pourquoi tu fais la belle? Tu grattes des mecs qui attendent la paix. Moi j'attends les veilles, avec Guapo, j'cite maintenant la tête. Avec ma neuf plus gorgeous, on va faire l'argent la tête. Tu vas cite notre juste même si tu construis des sous la tête. Tu veux boire dans le cocktail, fumer sur terre, gros ton shit donne des maux de tête. J'suis avec Ruki, Guapo, Go Juice. Pour la popance, non pas le juice, et ils forcent tous. Et reste calme devant mon blindé. Nina m'appelle Black Mamba comme Kobe. Les falas c'est ma faute. Bureau dans le trappe, le rayon B. J'vais taper une diva du RNB. J'espère qu'elle paiera le BNB. Oui c'est toi qui paye et toi qui suce. Y'a que dans mon clic-clac que j'fais bosser les muscles. Ara, y'en ont 8. Les gars, faut chouk. Les gars, faut j'mette. Raconte courant, crée la polémique. Ça l'apparaît de suite. Tu le fais mal quand tu m'écoutes. Higo c'est mort, tu veux boire dans le cocktail. Fumer sur terre, gros ton shit donne des maux de tête. J'suis avec Ruki, Guapo, Go Juice. Pour la popance, non pas le juice, et ils forcent tous. Higo c'est mort, tu veux boire dans le cocktail. Fumer sur terre, gros ton shit donne des maux de tête. J'suis avec Ruki, Guapo, Go Juice. Pour la popance, non pas le juice, et ils forcent tous. Higo c'est mort, tu veux boire dans le cocktail. Fumer sur terre, gros ton shit donne des maux de tête. J'suis avec Ruki, Guapo, Go Juice. Pour la popance, non pas de juice, et force.